C'est parti là? Ah oui. Ok. Si les troubadours et les éboueurs faisaient grève en même temps, qui nous manquerait le plus? D'un point de vue matériel, ce seraient les éboueurs, bien sûr. Sinon, ce serait la merde. Je marche sur le bord de la route toute la journée et mets mon pouce dans le vent. Mais personne ne sait. Les voitures passent et repassent devant mon nez. Et tout ce que je prends, c'est des vents. J'ai l'air bête. Avec ma guitare, les gens croient que je suis fauché. C'est à se demander souvent s'ils sont honnêtes. De toute façon, j'ai un métier à côté. La musique est ma passion seulement, c'est la fête. Imaginez un peu si les troubadours avaient fermé leur gueule au Moyen-Âge. Le monde se serait étouffé de lui-même. Le troubadour est capable de prendre du recul sur le visible pour expliquer l'invisible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas compris. Dans un monde où on ne croit que ce que l'on voit, il n'a pas sa place. Il faut attendre la grève des éboueurs. Intermittence, pff, la corde au cou, des idées, pas de moyens, une guitare, un texte, sale temps pour les troubadours. Imaginez un peu si les troubadours avaient fermé leur gueule au Moyen-Âge. Le monde se serait étouffé de lui-même. Mais voilà, on n'est plus au Moyen-Âge. Enfin, je veux dire, les costumes sont différents, quoi. Je marche sur le bord de la route toute la journée et mets mon pouce dans le vent, mais personne s'arrête. Les voitures passent et repassent devant mon nez et tout ce que je prends c'est des vents. Bon, j'ai l'air bête. Avec ma guitare, les gens croient que je suis fauché. C'est à se demander souvent s'ils sont honnêtes. De toute façon, j'ai un métier à côté. La musique est ma passion seulement, c'est la fête. Imaginez un peu si les troubadours veulent fermer leur gueule aujourd'hui. Le monde pourrait s'étouffer de lui-même. Les troubadours font grève, inutile de s'inquiéter. Je répète. Les troubadours font grève, inutile de s'inquiéter. Je répète. Les troubadours font grève, inutile de s'inquiéter. Je répète. Les troubadours font grève, inutile de s'inquiéter. Je répète.